Seigneur soit avec vous. Nous sommes toujours contents d'être à la maison du Seigneur. Tuko paka na fura ya kuya mnyumba ya Bwana. Seigneur, tuko katika wepu ya Bwana. Où Dieu a une solution pour tout homme. Mule Mungu anakuwa na jibu ya kila mtu. Le El Shaddai. Eko El Shaddai. Rien n'était possible à lui. Na kuna kitu kinashindikaka kwake. Quand nous venons dans la foi. Wakati tunakuwa na imani. Quand nous venons dans la foi. Wakati tunakuwa mu imani. Nous recevons tout ce que nos cœurs désirent. Tunapokea ile yote moyo wetu inataka. C'est pourquoi il est très important. Je commande ni mafa kabisa. Pour un véritable chrétien. Kwa mukristo wa kweli. D'apprendre à venir à temps dans l'église. Kujifunza kuyambele wakati mkanisa. Vous avez le temps de vous consacrer. Una wakati ya kujitolea. Vous avez le temps de répandre votre cœur devant le Seigneur. Una wakati ya kwangu. Unja moyo wako mbele ya Bwana pour la prêter à la circonstance. Njoo kuitarisha mwile mambo. La prêter pour recevoir la parole de Dieu. Kuitarisha njoo kupokea neno la Bwana. Et lorsque vous venez dans la tente devant le Seigneur, na wakati unakuya kumkongojea mwepo wa Bwana, certainement le Seigneur descendra. Hakika Bwana atashuka. Et il vous bénira. Na temibariki. Levons-nous pour la lecture de la parole. Shimame, josume aneno. Nous saluons les frères et les sœurs qui sont en ligne. Tu asalimia wanduku madada wamefuata mtandao. Nous les souhaitons toutes les bénédictions spirituelles. Tunawatakia mabaraka yote ya kiroho. Ruth au chapitre 2. Luta sura ya pili. Nous lisons dans son verset 11-12. Tunasoma mstari wa 11 na 12. Nous prendons le verset 20-23. Seigneur notre Père, Bwana Baba yetu, merci encore une fois de plus, mara ingine tunasema asante, parce que encore aujourd'hui, sababu tena leo, nous expérimentons ta miséricorde, tunaonja rehema yako, nous expérimentons ta bonté, tunaonja wema wako, et ta grâce est révélée. Na neema yako inafunuliwa pour notre salut, njua ukovu yetu, et pour notre paix, na njua salama yetu. Je recommande ce peuple entre tes mains. Ninakiria itaifa mikono yako. Ils ne sont pas venus entendre un homme. Hawakukusikia mutu. Je suis un pécheur. Niko mtenda zambi. Il n'y a rien de bon en moi. Hakuna kitu kizuri ndani yangu. Je ne connais rien. Nisiwe kitu. Mais toi tu as promis. Mais lakini ulilaka. Que là où s'assemble deux ou trois. Ya kwamba pale bawili wala tatu watakusanyika mbele yako. Utakuwa katikati yao. Viens Seigneur Jésus. Ni Bwana Yesu. Que ta présence. Wepo yako. Nous accorde toute ta bénédiction. Ipatie mabaraka yote. En toutes choses. Mubitu yote. Bénis chacun de nous du mariage. Bariki la moja wetu namna ikipekee. Bénis la parole qui sera lue. Accompagne-nous pendant la prédication. Du début à la fin. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Amen. Ruth 2. Luta sur la capiri. 11-12. Boaz répondit. Boaz akajibu. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel Waminele te rende ce que tu as fait. Apate kurudisha ile ulifanya. Et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Na malipo yako ipate kuwa ya utele kwa upande wa Waminele, Mungu wa Israeli. Sous les ailes duquel chini ya mabawa yake, tu es venu te réfugier. Ulikuja kufichama. Verse 20. Mstari wa 22. Naomi dit à sa belle-fille. Naomi akamwambia mko wake. Qu'il soit béni de l'Éternel. Abarikiwe kwa milele. Qui s'est montré miséricordieux pour le vivant comme il le fut pour ceux qui sont morts. Urajionekanisha wa rehema kubajima na baga vile nafanya kwa yetu. Et notre parent. Umutu ni baba nduku yetu. Lui dit encore Naomi. Akamwambia tena Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous le droit du rachat. Ni mumoja wa bale kuna halali ya kukombozi yule yetu. Ruth la Moabite ajouta. Luta wa Moab akaenda. Il m'a dit aussi. Aliniambia tena. Reste avec mes serviteurs. Bakia pamoja na watumishi wangu. Jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Kufika na pale watamaliza mavuno yote. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille. Na Naomi akamwambia tena Luta. Il est bon ma fille. Kwamba iko mzuri. Que tu sortes avec ses servantes. Upate kubakia pamoja na vijakazi yake. Et qu'on te trouve, qu'on te rencontre pas dans un autre champ. Na basukute mashamba ingine. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner. Akabakia basi na binti ya Boaz kulokota. Jusqu'à la fin de la moisson des orges. Kufika paka na mwisho ya mavuno ya zorge. Et de la moisson du froment. Na mwisho ya mavuno. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Na alibakia na mama yake mko. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana ongeze baraka musome neno lake. Nous insistons beaucoup sur le travail de Ruth. Tunatia mkazo kabisa yule kazi ya Luta. Comme c'est un type d'un véritable chrétien. Sabine ni picha ya mkristo ya kweli. Le comportement de Ruth nous ouvre la voie, nous aussi, à la bénédiction de notre rédemption. Nana ya kutenda Luta inatufungulia kunjia ya ukombozi. Ruth avait un très bon témoignage. Luta alikuwa na ushuhuda mzuri. Comme nous l'avons lu ici dans le verset 11. Pake vitu naisoma mstari ya 11. Quand Boaz dit, wakati Boaz anasema, on m'a rapporté Barinyambia tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Depuis que ton mari est décédé, et dans le témoignage que j'ai reçu, on m'a dit comment toi tu as quitté ton père et ta mère, et même le pays de ta naissance, pour venir dans un pays, vers un peuple que tu n'avais jamais connu. Vraiment, c'est un bon type d'un chrétien. Avant que tu nous connaisses, Mbele, disons, avant que tu ne viennes ici, Mbele awakuya hapa, tu ne nous connaissais pas. Awakutufamiake. Et nous, on ne t'a jamais connu. Nashia tufamiake. Mais le Dieu qui a conduit tes pas en ces lieux, lakini Mungu larongoza matua yako paifashi, il a une mission spéciale avec toi. Et qu'on a kazi ya kipekee na wewe. Pourvu que tu sois obéissant, usijupate kuwa mtiifu, que tu sois attentif aux instructions données, paka tu ukuye msikilivu kwa mafundisho na kupatia, et que tu te mettes au service, na upate kutumika. C'est à ce moment-là que ta récompense sera entière de la part du Seigneur. Ni mwile wakati ndio malipo yako yatakuwa utele kwa upande wa Bwana. Dans la vie, bien-aimés frères et sœurs, maisha ndugu na dada mpendwa, Il faut toujours garder un bon témoignage. Na fazari kuchunga paka ushuda mzuri. Gardez toujours un bon témoignage partout où vous vivrez. Fasi yote naweza kuishi chunga paka ushuda mzuri. Gardez un bon témoignage. Chunga ushuda mzuri. Dans ton service, kazi. Garder un bon témoignage Chunga. Dans ta propre famille. Ushuda mzuri mujama yako ilozarikiwa. Garder un bon témoignage dans ton entourage. Chunga. Les voisins du quartier. Ushuda yako bale batu wakuzunguka bajirani yako. Et garder un bon témoignage dans l'église. Na uchunge ushuda mzuri mkanisa. Et enfin, na mwisho, ayez un très bon témoignage na kwe na ushuda mzuri devant Dieu. Mbele ya Mungu. Un chrétien sait soigner ses relations avec ses prochains. Mukristu anaweza kuchunga mapatano yake na batu. Les relations. Mapatano. Pour affixer ses mieux. Si tu peux interpréter par graphique, c'est bien. Un chrétien, mon Christ, sait soigner ses relations. Anayua kuchunga ma graphique boake. En gardant un bon témoignage autour de vous, mon kuchunga usuda muzuri kando kando yenu. Et en soignant tes relations, na mon kuchunga ma graphique. Votre bon témoignage. Il est usuda yako muzuri. Finira toujours par te payer. Itafikiaka paka mukuripa. Même si toi tu ne récoltes pas. Ataka mweye auvune. Même tes petits fils. Ataba batoto yako bankana yako. Batapatia kamo. C'est pourquoi vous voyez dans Proverbe au chapitre 22. Jukomana mtaona mezani makumi mbili na mbili. Dans son verset 1 l'écriture dit. Musari yake ya kwanza andiko nasema. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce na neema vaut mieux que l'argent et que l'or. Inashindia ata feza wala zaabu. C'est vrai. Ya kweli. Kumbi bumashikini. Alors, la pauvreté, aina lana. Ce n'est pas la malédiction. Iko mzuri kuya mashikini. Vaut mieux être un pauvre. Unakosa franga. Manque l'argent. Unakosa mali. Manque les. Unakosa pesa. Manque l'argent. Mais chunga ushuda yako. Garde mbele ya le bandi. Bon témoignage devant les hommes. L'église est avec moi. Anisa tu pamoe. Ruth a gardé mon témoignage. Luta alichunga ushuda yake mzuri. La vie de Ruth. Maisha ya Luta. Fut caractérisé. Ilionekanisha. Par sa bonté, sa manière de vivre. Ile wema yake, namna yake ya kuishi. Elle avait la réputation. Alikuya na kavumu. D'être une femme de caractère. Ya mwanamuke wa. Wa tabia nzuri. Ya mzuri. Un caractère qui est apprécié par tout le monde. Tabia ile batu bote donasifu. Partout elle a vécu. Fasi yote aliishi. Elle a laissé de bonnes traces. Aliacha manyao mzuri. Elle a laissé une bonne odeur. Ariati arufu mzuri. Et son caractère était apprécié de tous. Na tabia yake batu bote wanaanza kuitapa. Ruth était une femme de caractère. Alikuwa mwanamke wa tabia mzuri. Une femme de décision. Mwanamke wa mipango. Une travailleuse. Alikuwa mwanamke wa kutumika. Une femme fidèle. Mwanamke mwaminifu. Simple et humble. Alikuwa mnyenyekevu. Une femme vertueuse. Alikuwa mwanamke wa kujitoa. Une femme soumise. Mwanamke wa kujitiisha. Une femme obéissante. Mwanamke wa kutii. Une femme jolie. Mwanamke mrembo. Une femme attentive. Mwanamke wa kumsikilivu. Aux instructions reçues. Kuile madibisho anapokea. Une femme de bon témoignage. Mwanamke wa ushuda mzuri. Une femme respectueuse. Mwanamke wa heshima. N'est-ce pas ce que doit être un chrétien? C'est ce que tu dois être. C'est ce que je dois être. Le Dieu qui ne fait pas exception de personne. Comme les Écritures disent, ils ont fait cela. Le Dieu qui ne fait pas exception de personne, envoyant l'amour de Ruth à l'égard, à son égard, à son égard wake, wake, et à l'égard de son peuple, na, à l'égard de ses enfants, na, yake, n'a pas manqué de la récompense. Quand vous aimez Dieu, wakati unampenda Mungu, vous aimez son Père, unapenda taifa yake, vous manifestez de l'intérêt, unaonekanisha faida kwa Mungu, vous vous confiez en toutes choses en Dieu, mambo yote kunamtumainia Mungu, le Seigneur Bwana vous récompensera. Hakika atemilipa. Acte chapitre 10. Matendo ya Mitume sura ya 10. Verset 34-35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: ah, ça pétoula kafunga ki na kachi. En vérité, kweli kweli, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Mina yakusema Mungu aikalaki na buyakuzi. Mais, lakini, quand toute nation, mukila taifa, celui qui le craint, ule kuna mungopa, et qui pratique la justice, na yako natenda katika uwaki, lui est agréable. Eko nampendeza. Celui qui le craint, ule kuna mungopa, et qui pratique la justice, na yako natumikia uwaki, lui est agréable. Anampendeza. C'est pourquoi l'arrivée de Ruth Jokomana kufika kwa Luta dans la Palestine, mule Palestine, à Bethléem, mule ku Bethléem, Dieu qui voyait son cœur, Mungu mwenye anaanza kuona moyo wake, Dieu qui voyait son amour, Mungu anaanza kuona mapendo yake, Dieu qui voyait son attachement, anaanza kuona ile kupoku envers son peuple taifa yake, et envers lui-même, na kwa ye mwenye Mungu, n'a pas manqué de la récompense. Asikose kumulipa. Et Boaz, na Boaz accomplit cela. Alielewa ile. Et sous l'inspiration, na chini ya uvuto, comme il était un gouverneur, sabi alikuwa liwali. Boaz était un gouverneur. Boaz alikuwa liwali. Quand il a vu yona, la qualité de cette femme en haut et le témoignage qu'il avait reçu et le travail qu'elle avait abattu, tumika, il dit akamwambia, que l'Éternel wa milele te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel et de l'Israël sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Dans Psaume 91, dans son verset 1, l'Écriture dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose sur l'ombre du Tout-Puissant. Et quand vous êtes abrité sous l'ombre du Tout-Puissant, vous ne manquerez rien de la part du Seigneur. C'est vrai, frère. Faites confiance à Dieu. Vous ne serez jamais déçu. Kamwe hautapataka haya. Mettez en pratique toute parole. Tumikia chaque parole. Kila neno. Comme le Saint-Esprit nous l'a dit hier. Kamwe mtakatifu tuambia jana. Petit ou grand. Kadoko wala mkubwa mnene. Respectez cela. Uheshimie. Mettez cela en pratique. Kile neno. Ta récompense. Malipo yako. Ne tardera pas à se manifester. Aita kawia kuonekana. De la part du Seigneur. Kwa upande wa Bwana. Je ne peux refuser à un frère, Mungu ashezu kataria nduku, à une soeur, wala dada, qui met en pratique chaque parole de Dieu. Ule kuna tumikia kila neno la Mungu. Mungu ashezu kataria ki. C'est le secret de la chrétienté. Jo siri ya Kikristo. Dieu ne veut pas Mungu ashipende que sa parole soit méprisée. Neno lake pate kubeuliwa. Non, bien aimé. Hapana nduku mpendwa. Quand vous vous mettez sous l'ombre de Dieu, mettez sa parole en pratique. Tumikia neno lake. Mettez-vous au travail. Tumika. Quand nous disons au travail, nous disons que tumikia kila neno la Mungu. Mettez en pratique sa parole de Dieu. Utapata malipo ya kutoka kwa Mungu. Tu recevras la récompense venant de Dieu. Et tu ne manqueras rien. Na hakuna kitu kinaweza kukosa. Ongopa Mungu maisha yako. Rentre dans ta vie. Hautakosewa kitu. Tu ne manqueras de rien. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. C'est vrai, ma soeur. Ya kweli dada. Craindre Dieu. Kungopa Mungu. Et mettre sa parole en pratique. Na kutumikia neno lake. Nous ramènera la bénédiction. Baraka, nous ramènera la récompense de Dieu. Mungu, et Dieu nous sera favorable Mungu en toutes choses. Frère, Nduku, sœur, dada, neno la Mungu, la parole de Dieu. Aina mamba ma histoire. Ce ne sont pas des histoires. Qui la frère n'a qui la sœur. Chaque frère, chaque sœur. Il doit marcher avec Dieu. À la page, dans la vérité. Dans la réalité. Dieu ne doit pas être une histoire. Une imagination. De raconter. Chacun de nous doit avoir une expérience avec ce Dieu-là et affirmer dans sa propre foi que Dieu est vivant. Il est réel. C'est vrai, frère. Mais il faut mettre en pratique toute sa parole. Ne négligez rien. Dans Matthieu chapitre 7. Matthieu 7. Tumikia neno la Mungu. Mettez la parole de Dieu en pratique. Atanikaloko, oui, tumikie. Même si c'est petit, mettez-la en pratique. Est-ce que Kanisa Kambo viko hapa? Église de Kambo, vous êtes ici? Tutumikie kila neno la Mungu. Mettons en pratique. Atanikaloko ya nguvu. Oui, tumikie. Mungu va te rendre facile pour nous. Et Dieu le rendra facile du et tout. Atanikaloko. Même si elle est plus petite. Tukatumikie. Nous devons la mettre en pratique. Dans la kale kasa mukaloko. En ces petites paroles là. Muko wezo. Il y a la puissance. Ya kuumba bintu bipya. De créer de nouvelles choses. Dans maisha yako. Dans ta vie. Mungu ashitupake muntu. Dieu ne rejette personne. Mungu ashitupake muntu. Qui qu'il soit, quand un homme est signé sous les ailes de l'Éternel, il va bénéficier de toutes les bénédictions de l'Éternel, de toutes les faveurs de l'Éternel, de la protection de l'Éternel, du salut de l'Éternel. Dieu ne rejette personne. Dans Job 36, gardez votre main sur Matthieu. Regardez Job, comme cela me vient. Job 36. Job 36. Yobo, dans son verset 7. Dieu est puissant. Mungu ni wawezo, mais il ne rejette personne. Lakini akatarake Mungu. Il est puissant par la force de son intelligence. Yobo, wawezo, kupitia nguvu ya akili yake. Amini muro ya kwa kusema. Wa, dans ton cœur. Ivi we unesha amini. Comme tu as déjà cru. Mungu alikufanya neema. Et Dieu t'a fait grâce. Anakutuma pa ifu ashi. Il t'a envoyé en ces lieux. Pala ambao neno lake ya kweli kuna ubiriwa. Ta parole de vérité. Anakuwekea watumishi ya Mungu wa kweli. Kwa de vérité. Kufuta manjia ya neema. Manjia ya ukovu. Amini tena ya kusema Mungu anakupenda hawezi kukutupa siku hata moja. Abandonné en aucun jour. Il est puissant pour satisfaire vos besoins. Lui-même El Shaddai. Il est le Dieu qui a des œuvres de fortifier. Oui, on peut tout n'accage. Moi, ton travail. Il y a Koutoumiki, il y a qui l'amène dans l'amour. Il est en bas. Et qu'on a confondu sur Sawaru. Vous enseigne Sawaluta. C'est vrai, frère. C'est vrai, Nuku. C'est vrai, ma soeur. C'est vrai, Dada. Koutoumiki, eh. Mettons. Qui l'amène dans l'amour. La parole de Dieu. C'est vrai, frère. Il y a quoi, Nuku? Et nous verrons Dieu dans notre vie. Namungu tamu na maisha yetu. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7. Écoutez comment Dieu dit. Mushike namna kali Mungu anasema. Dans son verset 21. Mustari yake ya 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, bale beko nita bwana bwana, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Bote awatengiaka mufano wa mbingu. Mais seulement celui qui fait lakini la volonté de mon père qui est dans les cieux. Paka ule konafanya mapenzi ya baba yangu loko mambingu. Aina bale bantu wote bananiita. Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent. Bwana bwana bwana bwana bwana. Seigneur. Dieu bale ambao kona nipendeza. Ce sont là ceux qui me plaisent. Bale benye kunipendeza. Ceux qui me plaisent. Bale ambao benye kutumikia. Ce sont ceux qui mettent en partie la volonté de Seigneur, la volonté de mon Père. Quand nous mettons en pratique toute la parole de Dieu, nous faisons la joie de notre Dieu. Quand nous mettons en pratique chaque parole de Dieu, nous accomplissons la volonté du Père. Et après avoir accompli la volonté du Père, notre récompense sera très grande de la part du Seigneur. Ce ne sont pas ceux qui écoutent que Dieu apprécie. Non. Dieu apprécie ceux qui écoutent et ceux qui mettent en pratique ce qu'ils ont reçu. C'est ce qui a caractérisé la vie de Ruth. Elle mettait en pratique chaque instruction qu'elle recevait. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. C'est bien de s'appeler chrétien. C'est bien de s'appeler chrétien. C'est bien de s'appeler enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes obéissant à chaque parole de Dieu? Est-ce que tu mets en pratique chaque parole? Ceux qui ont la place dans le cœur de Dieu, ceux qui ont la place dans le royaume de Dieu, c'est celui qui fait la volonté du Père. Plusieurs me diront en ce jour, à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez iniquité. Mtu yoyote eko na katala kutumikia neno la Mungu ajulikane kuupande ya Mungu, il n'est pas connu de la part de Dieu, il ne peut rien recevoir de la part de Dieu. Et notre mission n'est pas de faire de vous un membre de l'église. Soyez mupate kuya, soyez kuya, un membre du corps de Christ. Memba wa mumwili ya Kristo. C'est vrai, frère. Ya kweli ndugu. Et soyez actif au corps de Christ. Ukuwe na kazi kumia. Vive la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu. Neno la Mungu. C'est pourquoi Jésus continue. Kwa maana Yesu anaendelea. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Voyez bien mes frères, mais quiconque entend ces paroles que je dis et qui ne met pas en pratique sera semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont battus, ont bâti cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Mettez en pratique la parole de Dieu. Et vous verrez la main dans votre, la main de Dieu dans votre vie. Oh, depuis Niriamini, depuis que j'ai cru, est-ce que tu te mets en pratique la parole de Dieu? Oui, bien, mes frères. Mais regardez ce que Jésus dit ici. Même en rapport avec le comportement de Ruth. Ne confondez pas ces deux choses. Il y a la promesse de Dieu. Il y a le commandement de Dieu. L'Église est avec moi. Pour ce qui concerne une promesse divine, son accomplissement ou dans son accomplissement, elle exige seulement la foi, imani, et la patience. Na uvumilivu. L'Église est avec moi. Kanisa tu pamoja. Quand Dieu vous promet quelque chose, kama Mungu anakulaka kitu, croyez, amini, et soyez patient, na chunga, jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Na pale malako tatimilika. Tu n'as rien à faire. Aona kitu kine yafanya. Voyez bien, mes frères. Un homme qui attend une promesse, il n'a rien à faire. Voyez bien, mes frères. Qu'il soit seulement patient, qu'il garde la foi dans la promesse, imani mumalako, et la chose s'accomplira. Na kile kitu tatimilika. Oui, bien, mes frères. Oui, bien, mes frères. L'enlèvement est une promesse. Elle viendra à l'heure et au temps de Dieu. L'imposition des mains est une promesse. Malako. Quand on a combien à Mungu, si on t'a déjà prié, on a déjà prié pour toi. Garde la foi jusqu'à ce que cette promesse se réalise en vous. Voyez bien, mes frères. C'est comme le retour d'Israël dans son pays, dans son pays. C'était une promesse. Le temps de Dieu est arrivé. Et la chose devait s'accomplir. Quand Dieu dit dans Jacques, dans Jacques au chapitre 5, Jacob, dans son verset 7, la Bible dit, Jacob, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre en prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les fruits de la première et de l'arrière-saison. Vous voyez bien, mes frères, en attendant le retour du Seigneur, nous devons être patients avec la promesse, mais nous devons toujours garder la foi. Voyez bien, mes frères, quand vous lisez Habakkuk, au chapitre 2, l'Écriture dit, andiko na sema dans son verset 2 mstari wa 2 na 3 l'éternel m'adressa wa milele verset 2 à 4 l'éternel m'adressa la parole et dit wa milele kanyambia neno écris la prophétie andika yule grave la sur des tables upate kuandika pa meza la lise couramment studio upate kusema kila mara sababu ni mara le temps est fixé ile wakati inaisha kuwekwa elle marche vers son terme na tembea kufika mwisho et elle ne mentira pas na haitalanda si elle tarde kama inakawia attends-la car elle s'accomplira certainement. Voici mon âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. En attendant la promesse, soyez patient, vivez par la foi. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Après avoir prié sur toi, accepte la guérison. Il est déjà guéri. Maintenant, soyez patient. Gardez la foi jusqu'à la guérison totale. C'est vrai, frère. Tu n'as rien à faire. Mais tandis que les commandements, pour ceux qui sont. Vous savez qui est du commandement du Seigneur? Selon Jacques. Jacques au chapitre 1. Quand Dieu nous donne son commandement, le commandement de Dieu nous demande maintenant la foi et l'obéissance. Vous devez croire dans ce que Dieu a dit. Et vous devez obéir et mettre en pratique ce que tu as reçu. Vois bien, mes frères. Le commandement de Dieu est tout ce qui concerne la vie. C'est tout ce qui concerne la vie pratique de l'homme. La vie pratique de l'homme. Vous devez garder la foi dans la parole. Et vous devez obéir. Obéir signifie mettre en pratique ce que Dieu t'a exigé. Vous voyez mes frères. Vous voyez mes soeurs. Dans Jacques au chapitre 1, dans son verset 22, voyez bien mes frères, voyez bien mes soeurs, ton mari te promet de t'acheter un pain. Tu vas aller t'agenouiller pour prier. Tu ne dis pas, attendez. Je donne un petit exemple pour que vous compreniez. Quand ton mari te promet, je vais t'acheter des souliers. Attends, c'est une promesse. Il va te l'acheter. Mais quand ton mari te dit, va me préparer à manger, toi tu n'as pas à attendre, tu as reçu, vous voyez, tu as reçu ces paroles, il faut les mettre en pratique. Vois bien mes frères, tu dois quitter là où tu es et aller te préparer à manger. Tu ne peux pas t'asseoir et dire, j'attendais qu'on prépare à manger. Qui doit préparer à manger? C'est à toi qu'on a donné l'ordre. Le foufou ne peut pas venir à la table. C'est toi qui dois obéir. Et l'obéissance, douce-pouce, vous amène à la mise en pratique de la parole. C'est pourquoi Jacques dit dans son verset 22, mettez en pratique la parole. Vous voyez, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Je suis sauvé par la grâce. Nous sommes dans la grâce. Dieu lui-même viendra le faire. Non, non. Il y a des choses que Dieu fait. Il y a des choses que toi tu dois faire. Pour ce qui est du commandement, vous voyez de la parole de Dieu, il est fondamentale que vous mettez en pratique la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde. Qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera erré dans son activité. Celui qui entend et qui met en pratique ce qu'il a entendu, celui à qui on a enseigné la parole et qui a reçu l'enseignement et qui le met en pratique, voilà un homme, voilà une femme qui va prospérer. C'est celui-là qui sera béni de l'Éternel. C'est celui-là qui va recevoir la récompense de l'Éternel. L'Église est avec moi. Mettez en pratique chaque parole de Dieu. Ne vous bornez pas, ne vous trompez pas, ne vous arrêtez pas seulement à l'écouter. Ouais, mais mes frères, en interprétant mal des versets bibliques, oh, Dieu a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Oui, sans lui, nous ne pouvons rien. Mais avec lui, nous ferons toutes choses. Ouais, mais mes frères, il faut que Dieu a quoi pour ça. Il ne signifie pas que il viendra faire tout pour toi. Non, bien mes frères, bien, mes sœurs, ne vous trompez pas. L'Église est avec moi. Apana kujilanda bongo. Ne vous trompez pas. Car on apprend à kuendelea mu mambo ya Mungu. On apprend à kuona wokovu kamilifu ndani ya maisha yako. On apprend à baraka ya Mungu. On apprend à maisha yako. Tumikia neno la Mungu. Ile ambayo iko na kuhubiriwa. La parole de Dieu qui vous est prêche, qu'on vous prêche. Afin de kushikia, pas écouter, et tu ne mets pas en pratique. Non, bien aimé frère. Non, bien aimé frère. Il faut kutumika. Il faut travailler. C'est le travail de lutte. L'Église est avec moi. Il faut kutumika. Il faut travailler. Kishakuya mwaminifu. Et puis être chrétien. Nous sommes devenus chrétiens. C'est pour travailler. On ne veut pas être des fainéants dans l'église. Non, bien-aimés frères. Non, bien-aimés sœurs. Nous devons travailler. Dans Philippiens chapitre 2. Dans son verset 12. L'Écriture dit: ainsi, mes bien-aimés, vous êtes les bien-aimés de l'Éternel. Le Dieu du ciel, Mungu wa mbingu, ici à Kambo, compte sur vous. C'est vous qui êtes les soldats de Jésus-Christ. Vous êtes la bouche, vous êtes les yeux, vous êtes les oreilles, vous êtes les nez, vous êtes les mains, vous êtes les pieds, vous êtes les cœurs, vous êtes les temples du Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi il déverse en nous. Et devait en vous sa parole pour que nous puissions la mettre en pratique, pour que la gloire de Dieu ait la dominée de son peuple. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, vous avez toujours obéi. Obéir. À chaque parole, soyez toujours obéissant. Soyez toujours obéissant à chaque parole. Mettez en pratique, mettez en œuvre. Mettez en œuvre. votre salut avec crainte. La boca, vous voyez, et tremblement. Là, dans votre Bible, il est dit, travaillons à notre salut. Vous voyez, avec crainte et tremblement. Boca, non seulement comme à ma présence, mais bien plus, encore maintenant que je suis absent. Vous voyez bien mes frères, vous voyez bien mes soeurs, Ruth en étant en Israël, n'a pas dit c'est fini. Je suis déjà en Israël. C'est ici où il y a Dieu. Tu me feras des miracles. Non. Les miracles sont venus après le travail de Ruth. C'est vrai, frère. Si Ruth n'avait pas travaillé, Boaz ne le verrait pas. Ses serviteurs ne le verraient pas. Ses servantes ne le verraient pas. Mais non, frère. C'est son travail qu'il lui a donné. Même la récompense. C'est vrai, frère. Et un bon témoignage. Oui, bien aimé, frère. Tutumiki, nous devons travailler. Il en est dans l'amour. Mais il connaît tout le monde. La parole de Dieu qu'on nous prêche. L'Église avec moi. Tout le qui est qui l'a mis dans l'amour. Tout il est en bas, il connaît tout Biriwa. Ne négligez rien. Si nous mettons en pratique toute la parole de Dieu avec respect, vous voyez, non, Dieu nous récompensera. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Mais comme on est cala mukanisa, si tu restes dans l'église, après que kubiri, après que tu as sauté à mon, tu ne fais rien. On a chikia, tu écoutes, on a toka, et puis tu sors, on a encore pour faire ma cage d'accord, on a couru là, on a lala, on a fait ma cage d'accord, qu'est-ce que tu m'as voulu chikia, et bien encore tu viens, la mouba où tu me dis, tu ne mets pas, aïta zala, ma tunda, nana, ma isha, et là, ne va pas produire la parole de Dieu, est sans force, et elle est impuissante. Si vous la mettez pas en pratique, la parole de Dieu est impuissante. Elle est morte aussi longtemps qu'elle n'est pas mise en pratique. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. N'a pas ça que tu m'as dit à l'amour. Il n'est pas même ni à l'homme y a connu à Kusema. Ah, on a la imani. Il n'a pas la imani y a quoi? Il n'est qu'à la kamoukaji. Travail. Y a neno. Pour la parole. Imani ya kweli iko mtaji ya neno iko natumikia neno sasa kifuko je tunaweza kwamba mko na imani. L'église est avec moi. Si tu ne fais pas avoir la foi, sans obéir, sans mettre en pratique cette parole que vous recevez, tu n'as pas de foi. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. On a de l'empêne. Oh frère. On doute. Pasteur, quoi, on est imposé, Mikono. Tu dis quoi, Nangoubia, que tu m'y tiens dans la main. Volonté, Yakoué, Mouenye, c'est ta propre volonté. C'est lié à ton amour. Que tu as envers Dieu. Une femme. Qui aime son mari? Où l'appelle d'abord? Qui aime son mari? Où type quoi bon âge? Qui aime pas son mari? Aïla bon âge. Qui vient travailler à sa place? Son amour envers son mari. Sa soumission envers son mari. La force à être au service de son mari. Kwa bine me frère. Nona ndu kupende. Kwa bine me sœur. Nona rampende. Apana kwanza kujilanda. Ne vous trompez pas. Oh, Mungu ni wa uwezo. Oh, il a dit le tout puissant. Ni wa uwezo. Il est tout puissant. Uwezo lorsque vous mettez en pratique sa parole. Neno lake. Quand vous ne mettez pas en pratique sa parole, la parole de Dieu, bien qu'elle soit vraie, elle reste stérile en toi. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Dans les champs de bois, en étant en Israël, il a travaillé. Il savait quoi, Mili, quand il y a quoi, il faut soumettre à qui l'a même la Mungu, qui l'a même la Mungu. Toute la parole de Dieu. Oui, bien aimé, frère. Oui, bien aimé, sœur. Si tu ne le fais pas, tu ne verras rien, tu ne recevras rien, Dieu ne sera jamais manifeste dans votre vie. Oui, bien aimé, frère. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Oh, mais qu'on a imani. Mungu atanisaidia. Pa Mungu kusaidia. Tumikisha ile imani yako. Na imani yako ikononekana. Ni wakati uko natumikia neno la Mungu. Hakuna imani bila kutumika. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. Hébreux chapitre 11. Dans son verset 7. Hébreux chapitre 11. Dans son verset 7. Regardez la foi. C'est qu'on appelle la foi de Noé. Il y a Noé une foi. C'est pas la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore, c'est une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Vous voyez? La foi de Noé. La foi de Noé. Après qu'il soit averti des catastrophes qui viendraient, sa foi l'a conduit à construire l'arche où lui-même devait s'abriter. Aïna Mungu alishukaka kumbini anende ukata michi mupori anamuyangea safina anasema Noé ingia nema ya Mungu ili mwendea Noé inamuambia kusema mita uwa dunia we mwenyewe ujifanishie safina ona vi Noé arete ses activite se consacre a la construction de l'âge safina. Vois bien, mes frères. Imani ya kweli. La foi véritable. Iko natumika. Travail. Vois bien, mes frères. Unaona ndugu pendwa. Vois bien, mes frères. Unaona dada mpendwa. La véritable foi. Imani ya kweli. Mais en pratique. Inakaraka natumikia. Toute parole de Dieu. Ila neno la Mungu. Si toi tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tumikia neno la Mungu. Tu n'as pas encore cru. Bado uyamini. Et tu n'as pas la foi. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. La véritable foi se révèle dans la mise en pratique de cette parole de Dieu. Minapenda y penser. Imwingie sana umaro yenu. Pour que mtu yote kama alikufa akufwe damu yake imwende kwa kichwa yake. Tombe sur sa tête. Quoi bien, mes frères. Comme la Bible est la colombe, oui, moi, je te demande toi la foi. J'ai motif. Aïna Mungu atakuwa qui viendra pour exercer soumission à ta place. Tumikia ile neno nasema Marie bwana penda bibi yako. Voyez bien, mes frères. Non, on a Dieu va t'aider. Fanya ile na Mungu atakusaidia. Voyez bien, mes frères. Non, on a Voyez bien, mes frères. Non, dada mpendo. La foi, imani, travaille. Ina tumikaka. Et le travail de la foi, c'est la mise en pratique tumikia de chaque parole de Dieu. Ile neno la Mungu. Et Dieu apprécie. Mungu anakaramu kufurahia. Dieu apprécie. Dieu apprécie une femme qui se met au travail. Voyez bien, mes frères. Non, on a ndugu pendo. Tu n'as pas à attendre. Tu n'as pas à attendre pour mettre en pratique la parole de Dieu. Oh, j'attends le troisième poule. Nous n'achunga ouezo ya tatu. Non. Le troisième poule n'est pas pour vous. Ouezo ya tatu aina yako. Voyez bien, mes frères. Nous n'andugu peine. Voyez bien, mes soeurs. Nous n'andam peine. Mettez en pratique. Dans la parole de Dieu. Neno la Mungu. C'est là où Dieu révèle sa volonté. Quand Dieu révèle sa volonté, il veut que sa volonté soit mise en pratique par ses auditeurs. Voyez bien, mes frères. Nous n'andugu peine. Voyez bien, mes soeurs. Nous n'andam peine. Dans Michée au chapitre 6. Michée 6. Oh frère, Mungu atanisaidia tu. Nitamete sauti ya Mungu en pratique. Ni kama unashikia neno la Mungu. Ile wala kufundisha leo. Hapana kuchunga kesho. Pale tu ambao unakishikia, mete en pratique ce que tu as entendu. Pale wala kufundisha, tumikia kile wala kufundisha. Voilà la foi. Oh, Mungu anichunge mbele atachunga mimi. Jesus ni kredibu. Huu tu hutokuamini. Si ne comprends absolument rien. Aleo kintu. Michel chapitre 6. Michel cita. Michel chapitre 6. Michel cita. Verset 8. Nous savons qu'il y a 8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voyez bien, mes frères. On t'a fait connaître, abandonne Ache son péché. Mazambi Ache. Voyez bien, mes frères. Voyez bien, mes frères. Que celui qui est menteur abandonne son mensonge. Renoncez au mensonge. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Renoncez à la colère. C'est vrai, mon frère. C'est vrai, ma soeur. Ni voyez à toi. C'est vrai, frère. Renoncez à ton amour propre. C'est toi qui dois rejoindre. Renoncez à toi-même. Oui, tu dois. Commencez par te condamner. Condamner tes propres œuvres. Voyez bien, mes frères. Voyez bien, mes frères. Mettez en pratique tout ce qui est juste, tout ce qui est droit, tout ce qui est vérité. C'est ce que Dieu te demande. C'est ce que Dieu me demande. Voyez bien, mes frères, ne restez pas dans l'église avec des faux raisonnements. Mungu atanisaidia. Mungu atanisaidia. Dieu va m'aider. Voyez bien, mes frères, maombi, la prière, tu vas la fuata. Kumukombo ya kutumikia neno la Mungu. Kutumikia neno la Mungu. Ameta uko naomba. Mungu atakusaidia. Et c'est à ce moment-là que Dieu viendra t'aider. Voyez bien, mes frères, voyez bien, mes soeurs, non, la peine. Awezi unakatala kutumikia neno la Mungu. Hata unajene. Même si unafunga chakula. Hata unafuana jene. Hautabadirika. Na zambia ita kutoka. Hautendele mambo ya Mungu. Tu ne avanceras pas. Est-ce que l'église avec moi? Galita tu pas moi. Anza tumika mbele. Commence avant pas travailler. Tumika kile Mungu anakuambia. Tumika kile Mungu anakufundisha. Tumika kile neno la Mungu. Pale uko na itumikia. Entre temps, uko naomba Mungu. Tu as fait des prières. Tu as fait comme il est secours. Il va te mettre dans la détresse. Atatuma roho yake. Il enverra son esprit. Il t'a kukusaidia. Et la chose que tu cherches, ça sera ta vie dans ta vie. C'est vrai, frère. Non, il y a quoi d'induku. C'est vrai, ma soeur. Il y a quoi. Si tu ne le fais pas, kama upanye vile, tu ne verras rien. Auto onaka kintu. Ce que l'Éternel demande de toi. Ce que tu pratiques. La justice. C'est vrai, frère. Non, il y a quoi d'induku. C'est vrai, ma soeur. Il y a. Donc, il faut mettre en pratique. Mettre en pratique chaque commandement. Mettre en pratique chaque loi de Dieu. Mettre en pratique chaque interdiction de Dieu. Kila Mungu anakataza. Oui, qui a tué. Abandonner cela. Voyez bien, mes frères. Quand Mungu anakataza kile, kuikifanya. Oui, qui a tué. Arrête ça. Kama Mungu anakulomba fanya kitu, ukifanye. Kama unakifanya, utabarikiwa. Ila anakukataza. Kama unakiweza kukifanya, utabarikiwa. Tu seras béni. Voyez bien, mes frères. Non, Nduku. Il n'y a pas de magie magique. Ce n'est pas être magicien. Être chrétien, Christ, c'est mettre en pratique ce que Dieu vous recommande. Quand vous mettez en pratique, vous manifestez l'esprit, vous manifestez l'amour envers Dieu, vous manifestez ton obéissance. Et Dieu aime quelqu'un d'obéissant. Quand il me prend parole, quand il pratique la parole de Dieu, tu es désobéissant. Et Dieu ne t'apprécie pas. La colère de Dieu sur toi. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé soeur. Dieu aime un enfant obéissant. Et la foi nous conduit à l'obéissance à toute la parole. Et l'obéissance nous amène à la mise en pratique. À chaque parole, c'est ça respecter Dieu. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé soeur. Mais si ce ne fait pas cela, ne t'attendez, n'attends rien de la part du Seigneur. Lutte à travailler. Elle mettrait en pratique chaque parole, chaque instruction. L'instruction qu'elle a reçue de Naomi, elle a appliquée mot à mot. L'instruction qu'elle a reçue de Boaz, elle a appliquée mot à mot. Oui, bien aimé frère. C'est pourquoi sa récompense est venue. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé soeur. On t'interdit l'adultère. Toi, c'est ça la vie. Non, bien aimé frère. On t'a refusé de mentir. Tu n'arrêtes pas. On vous a interdit de voler. Toi, tu n'arrêtes pas de voler. Non, bien aimé frère. On t'a interdit la colère. C'est ça la vie. Non, bien aimé frère. Tu n'as pas la foi. La foi est obéissante. Et la foi se manifeste dans la mise en pratique de chaque parole de Dieu. C'est vrai frère. Et Dieu aime cela. Dans 1 Samuel chapitre 5. 1 Samuel chapitre 5. Dans son verset 22. Samuel dit. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Frère, où ta ouest ne courir pas, tu peux payer. Prends au qu'on a foi dans ma œuvre, il y a bien. Vous ne connaissez pas ma dîme, ma offrande. Vous n'avez pas fait ma frère Bintou. Vous n'avez pas fait ma vision à Nyumba. Aussi longtemps que tu ne mets pas en pratique chaque parole de Dieu, tu n'obéis pas à chaque parole de Dieu, tu n'es pas agréable à Dieu, Seigneur. Ni kaja mumpunda kona fwanya. Tu es en train de travailler inutilement. Auta pataka maripo. Tu n'auras pas de récompense. Tu ne plais pas au Seigneur. Au praise Mungu. Quoi bien mes frères. Non andu kumpeni. Quoi bien mes sœurs. Non andu kumpeni. Utawezi wewe peke unaisha kujenga ikanisa yote. Achever la construction. Mais si tu continues à vivre dans la désobéissance, vous vivez dans le péché, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Mungu acha kufurahiaka. Utawezi kuwa pasteur. Utawezi kuwa diacre. Avec n'importe quel ministère. Aussi longtemps que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne seras pas agréable à Dieu. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. C'est vrai, frère. Qui le Mungu anapenda? Aina franga yako. Aina manyumba yako. Aina motoka yako. De son âme à sa parole. C'est vrai, frère. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole. Pour que la grâce de bélier. C'est vrai, frère. Mais la car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et que la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Quoi bien, mes frères? Tombos du kuneno la mungu. La rébellion à la parole de Dieu. Ou l'éco na kata la kuneno la mungu. Il refuse d'obéir à la parole de Dieu. Ni mufumu. C'est un devin. Quoi bien, mes frères? Ni mufumu. C'est un devin. C'est un idolâtre. C'est un idolâtre. Tout frère et toute sœur désobéissant, c'est un devin. Les devins ne plaisent pas au Seigneur et les devins n'ont pas de place au ciel. Les idolâtres n'ont pas de place au ciel et ne plaisent jamais au Seigneur. Quand Dieu te voit avec une vie désobéissante, avec ton incrédulité là, la colère de Dieu monte dans ton cœur. La première pensée qui monte dans ton cœur, c'est de te tuer. C'est ça Dieu. Akula kitu kilambao. Kila mshiriki shaka Mungu. Kitepleza Dieu. Kutombozi. Comme la rébellion. Na kubishana na neno lake. Contester à ta parole. Dieu. Avende muntu atamoya. Akokotane na neno lake. Kubishana na neno la Mungu. Contester à la parole de Dieu. Dieu ne veut pas cela. Mungu apenda ke vile. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes soeurs. Dieu ne peut pas t'apprécier. C'est ça le secret du salut. Dieu veut que tu sois obéissant. Si tu as la véritable foi, tu seras obéissant. Quand tu es obéissant, tu mets en pratique chaque parole de Dieu. Et Dieu veut que son enfant se soumette à lui, mette en pratique chaque parole qu'il donne. Chaque enseignement qu'il donne, chaque instruction qu'il donne. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce qui a attiré. Il est Buta. Ruth. Luta. Dans sa vie, Boaz, dans sa marche, dans son comportement, quand elle est venue en Israël, spécialement dans les champs de Boaz, quand Mungu anakulomba kuomba, omba Mungu, Mungu atakuwa kuomba kwa place yako. Ce n'est pas Dieu qui vient prier à ta place, non. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Tu as compris. Lèvons-nous pour la prière. Tumikia neno la Mungu. Mettez la parole de Dieu en pratique. Hapana kwanza kujilanda. Uko unajitongoza wewe mwenyewe. Asa Mungu atakuwa kusaidia. Mungu yako nakusaidia hapa sasa. Maintenant. Pale yako nakufundisha. Ya wewe kufanya. Ce que tu dois faire. C'est vrai. Ya kweli. Dio. Tuombe. Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Tes paroles sont véritables.